le sexe, les enquêtes sur la sexualité. Troisième épisode. Dans l'ensemble, la femme aime ça, l'homme aime ça. Les enquêtes sur la sexualité. En 1972, en France, le rapport Simon. La sexualité, c'était l'affaire des médecins. Mais traiter la sexualité dans sa dimension sociologique et aborder la relation sexuelle comme une forme élaborée de la relation sociale, c'était effectivement relativement original. Car en fait, ce qui se jouait dans la relation sexuelle, c'est ce qui se joue de manière plus générale dans la relation sociale, mais avec là, évidemment, une importance très grande pour la personne et pour son positionnement et dans le couple et dans la société. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. L'une des têtes pensantes du rapport Simon sur le comportement sexuel de 1972, Jean Condonneau, il y avait aussi Anne-Marie Dourlin, Rollier, Lucien Mironner, tous cornaqués, bonjour Perrine Simon-Naoum, bonjour, par votre père, Pierre Simon. Ils étaient très nombreux, on verra quel était le dispositif dans un instant, mais vous étiez petite, l'appartement, le cabinet du docteur Simon, c'était le même endroit, et puis j'imagine que s'y réunissaient des collaborateurs du rapport, vous avez vu des dizaines de personnes tourner autour de vous. Oui, j'ai vu un appartement qui n'a pas désempli pendant 4 ou 5 ans, parce que le rapport Simon, ça n'est évidemment pas 1972, ça n'est même pas 1969, au moment où l'initiative est lancée, mais ça commence bien avant. Alors là, j'étais vraiment toute petite. Alors, le background de votre père, c'était un médecin, gynécologue, mais le médecin n'était pas seulement médecin, hein. Non, le médecin était d'abord quelqu'un qui était issu du judaïsme et qui avait été pourchassé pendant la guerre. Et comme un petit nombre de scientifiques de cette époque qui ont révolutionné la vie et qui ont révolutionné ce qui concerne la gestation et les comportements sexuels, ils avaient compris que les hommes avaient failli entre 40 et 45 et que la gestion de la vie était un matériau remis entre les mains de l'homme. Et que donc la contraception et la sexualité étaient non seulement des choses sérieuses, mais aussi des choses qui conditionnaient la société, des choses politiques. Et c'est une des raisons qui l'ont amené à la franc-maçonnerie, non pas au Grand Orient de France, mais à la Grande Loge de France, dont il a été à deux reprises grand maître. Oui, il a rencontré la franc-maçonnerie très tôt, en 1953, dans son parcours. Il est en même temps à l'hôpital, dans les salles d'accouchement, où il voit les femmes mourir en couche, où il voit les femmes souffrir, parce que la Bible en a décidé ainsi, et que l'ordre des médecins est resté sur ses positions traditionnelles. Et donc, la guerre, le sentiment que le matériau de la vie devait désormais être géré par les hommes, les révolutions médicales, aussi, il vient de l'endocrinologie, mais aussi la spiritualité. Il avait fait le tour d'un certain nombre de spiritualités et puis finalement, je crois, avait trouvé son bon grain dans la franc-maçonnerie. Fait que cet homme a très vite noué ensemble une vision à la fois scientifique, philosophique et politique. Alors il faut que je dise que vous n'êtes pas seulement la fille de Pierre Simon, mais que à votre expérience personnelle, vous ajoutez, comment dire, la lucidité de la philosophe, l'idée de contextualiser de l'historienne. Et la petite fille que vous étiez, elle était très étonnée devant les collections qui l'amassaient aussi. C'était des collections sur quoi? C'était des maternités précolombiennes. Ah. Pas étonnée, mais informée par son père. Et mes parents étaient des grands collectionneurs aussi d'art contemporain. Donc la culture chez nous était un milieu ambiant. Alors rendre la maternité heureuse, il a beaucoup milité pour l'accouchement sans douleur. Informer, l'information sexuelle, c'est ce qui rend les Français adulte. Je vais vous faire écouter un extrait d'un disque qui vient de la collection de Martin Penney. Vous voyez l'illustration, il faudrait que nos auditeurs la devinent, un canapé, un papa, un maman, des enfants. Comment ça a été votre éducation sexuelle? Là, je deviens extrêmement indiscret, Perrine Simon. C'est lui qui la faisait? Il vous a pris à part un jour? Non, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Si vous voulez, le cabinet était à la maison, donc j'ai toujours vu des spéculums, des stérilets, d'autres instruments. Et puis encore une fois, je veux dire, quand vous vivez avec quelqu'un qui change la société, son combat n'est pas un combat de quelques heures dans la journée ou dans la nuit, c'est un combat de tout le temps. Dans des familles plus ordinaires, eh ben, il fallait s'armer de livres avec des images et de disques. Un garçon tout qui y aurait, chante de toute sa voix, chante son air préféré, vive la rose et le lilas. Il chante parce qu'il attend la belle qu'il aime tant. Il y aura de roses bientôt dans notre maison. Il y aura de roses, roses, roses, roses. Il y aura de roses bientôt dans notre maison qui seront écloses à la belle saison. Toi, garçon, dans quelques années, quand tu seras devenu un adulte, tu seras comme ton père. Ton corps se transformera non seulement en continuant à grandir, mais en devenant progressivement celui d'un adulte. Et un jour, tu seras peut-être surpris par des écoulements de sperme. Ne sois pas étonné, cela prouvera seulement que ton corps se transforme normalement et que tes organes fonctionne bien. Alors ce disque, il a une allure catholique. Les catholiques aimaient d'abord l'éducation affective avant l'éducation sexuelle, mais il arrive au grand maître de la Grande Loge de France de leur rendre hommage. C'est d'abord dans les familles où il existe la pratique religieuse, par conséquent où une éthique religieuse est installée, que pour communiquer cette éthique, la sexualité est également abordée. Et cela ne nous étonne pas, nous qui nous sommes penchés sur la gynécologie de la sexualité, car en France, le premier ouvrage sur la sexualité a été écrit par l'école de la faculté catholique de Lille. Ils ont fait l'effort, alors qu'en revanche, les non-pratiquants n'avaient pas de colloque de père-mère-enfant dans la sexualité. Ce qui revient à dire que la morale dite laïque est très en retard sur la morale dite religieuse. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs. Dans ce comportement, nous l'avons dit, nous l'avons écrit parce que ce sont les faits, nous n'avons fait que constater. Et il est temps, je crois aussi, que la morale non religieuse se mette à étudier ce problème, ce qui doit être le fait, nous l'espérons, de l'État, qui a pour vocation de regrouper toutes les éthiques qui composent, qui fleurissent sur son territoire. Mais Perrine Simon-Naoum, il concevait son action un peu comme une fusée avec plusieurs étages. Alors le premier étage, c'est l'information sexuelle. Le deuxième étage, où il va se trouver en confrontation avec les catholiques, ou la plupart des catholiques, et puis aussi pas mal de communistes, c'est la contraception. Le mouvement français pour le planning familial, dont il est un des animateurs. Oui, alors ce qui est assez étonnant pour nous, c'est qu'en réalité, dès le départ, et il le dit souvent dans ses écrits, le premier combat a été celui de l'avortement. Dans l'ordre, c'est ça. Et c'est ce qui se réalisera. C'est dans l'ordre intellectuel. Mais il explique très bien que pour gagner ce combat et donc pour permettre aux femmes d'avorter et contre la loi du 31 juillet 1920, il était important d'en passer d'abord par la contraception. Et que finalement, la contraception, c'était le point d'appui, un petit peu comme Archimède, hein, donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. La contraception a servi à mon père et à ce qu'on a appelé le groupe Littré, un groupe de scientifiques européens qui ont vu le jour, qui a vu le jour en 1953. La contraception, si vous voulez, a servi à mon père de cheval de Troie, de point d'appui pour transformer la société et pour faire admettre un certain nombre de choses. Évidemment, l'avortement, mais aussi les dons de sperme, les sécosses, le droit de mourir dans la dignité. Je veux dire, c'est toute une conception de la vie qui constitue donc cette fusée, comme vous dites, à plusieurs étages. Alors, revenons, nous sommes historiens, aux premiers étages, l'information sexuelle, la contraception, et puis l'action, on pourrait presque dire le lobbying politique. Alors, il se présente aux élections avant 68, il échoue, 68 l'intéresse beaucoup, et il va rallier, quand Pompidou devient président de la République, l'esprit Chaban-Delmas, la nouvelle société. Alors ça, c'est l'esprit qui règne à Matignon, au ministère de la Santé. Il y a Robert Boulin, et votre père entre au cabinet de Robert Boulin. Alors, ceci qu'on va entendre, c'est de nouveau un témoignage venu de lui, et fort intéressant, parce que c'est une théorie sociologique qu'il met en avant après 68. Et alors, il faut quand même se rappeler qu'en mai 68, que le Parlement, en réalité, était dans la rue. C'était dans la rue que l'on réclamait des textes et que le gouvernement cédait ou non aux pressions de la rue. Alors, il y avait deux attitudes, où on les combat, et ça donne du désordre, où on essaye de les absorber, et c'est l'idéologie dominante qui les absorbe et qui se modifie. Cette technique semble avoir été la meilleure, mais l'idée de ce livre, c'était d'être l'artisan d'une récupération, ce qu'on appelle en sociologie politique un phénomène de récupération, c'est-à-dire qu'il doit être absorbé par l'idéologie dominante. Et c'est ce qui vous explique que mon livre est préfacé par le ministre de la Santé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un du gouvernement qui prenait acte et qui voulait bien cautionner au nom du gouvernement implicitement cette modification, l'irruption de la sexualité dans la vie politique et de la vie politique bien sûr à la vie sociale, c'est-à-dire que tout allait avoir un phénomène donc de systémique, il fallait changer les lois, changer l'enseignement à l'école, changer les lois dans les tribunaux, la caserne, la médecine bien sûr, etc. Donc toute la société allait bouger. Alors le livre, c'est le rapport sur lequel on va s'attarder dans un instant. La récupération, c'est une technique qu'on trouve dans d'autres secteurs du gouvernement. En 69, Edgar Faure, qui est un copain de votre père, est ministre de l'Éducation nationale, il crève un scène, il essaye de récupérer une énergie de 68. Oui, la récupération, c'est d'abord quelque chose que mon père avait étudié dans l'administration Kennedy, à travers ce qu'on appelait le Green Power, c'est-à-dire le fait que Kennedy avait intégré les soucis pour l'environnement dans sa politique et avait créé un ministère de l'écologie, à ce moment-là, aux États-Unis. Et donc, l'idée de mon père, qui a affronté durant les années 50 et 60, quasiment l'ensemble de la société politique et de la société en général, à travers des combats qui étaient des combats acharnés, hein, et on a peut-être oublié maintenant combien les quelques hommes qui ont lutté pour émanciper les femmes à ce moment-là sont des gens qui ont mis en jeu leur carrière, mais aussi leur vie, puisqu'ils risquaient la prison, a compris qu'il fallait en fait trouver un moyen de faire endosser par le politique, hein, c'est ce qu'il dit très bien dans l'extrait que vous venez de diffuser, faire endosser par le politique une modification dont le politique lui-même, d'ailleurs, n'avait pas très bien conscience de la révolution. Qu'elle amenait avec elle. Et donc une modification qui allait changer, comme il le dit, l'ensemble de la société. Oui, mais il y a aussi la méthode que lui permet sa position dans un cabinet ministériel à la Grande Loge de France. Il peut réunir une très grande équipe d'enquêteurs de 170, avec une majorité de femmes d'ailleurs, je crois. L'appel à l'informatique, c'était le temps des grosses machines bulles, il les installe à un étage de l'abbaye de Royaumont, qui est un haut lieu maçonnique de l'époque. Alors là, je reviens à vos souvenirs d'enfance. Il y a des enquêteurs de l'IFOP autour de vous, là, dans l'appartement, cabinet. L'IFOP, c'était très important à ce moment-là. Oui, l'IFOP, donc, c'est l'Institut de sondage hein, qui a ouais. mené l'enquête. Or, cette enquête, il fallait d'abord la dire, il fallait la mener, c'est-à-dire qu'il fallait que les enquêteurs eux-mêmes se saisissent des termes à travers lesquels ils allaient enquêter. Des termes qui étaient aussi peu usités à l'époque que sexe, masturbation, plaisir. Si vous regardez les slogans de mai 68, on dit jouir sans pâlir, mais on ne dit pas ayez un orgasme pour avoir une société plus apaisée. Donc je veux dire, le langage était encore très euphémisé. Et mon père me racontait toujours que Jean-Pierre Elkabbach avait rougi jusqu'aux oreilles lorsqu'il avait fait une interview de lui en 1969, où pour la première fois, il avait prononcé le mot « sexe » à la télévision. Donc, si vous voulez, ces enquêteurs, il fallait eux-mêmes qu'ils s'approprient en quelque sorte à la fois la matière de l'enquête, mais pour ça qu'ils en perçoivent le sens. C'est-à-dire qu'ils puissent, d'une certaine façon, prendre leur propre rôle à distance, mettre leur propre rôle à distance. Qu'ils aillent droit au but avec les mots qui convenaient sans euphémisation. Je retiens votre terme, l'euphémisation que maniait si bien dans ces années-là Pierre Vassiliou. On s'est allongé sur le lit, on a parlé soleil et pluie, jusqu'à ce qu'elle me fasse remarquer qu'on n'était pas là pour se bercer. Alors je l'ai déshabillée et m'attardant sur ses nénés, elle me dit t'es plein d'audace, comment que je retirais ses godasses. Puis quand elle elle fut dévêtue et que je vis le trou de son nez. Sincèrement, j'aurais pas cru qu'on puisse être aussi négligé. Elle n'avait rien de folichon. Si vous aviez vu ses nylons, on aurait juré des chiffons. Elle était sale, enfin pensons. Puis je me suis déshabillé, j'étais tout nu à ses côtés. Me voyant là comme un idiot, elle a compris que j'étais pudique. Alors elle a pris le commandement. Viens là mon rat, viens là mon grand. Je vais te faire tout plein de chatouilles sur les joues, le nez et les coudes. Tu vas y prendre un tel plaisir que dans deux secondes tu vas jouer. Assieds-toi là auprès de la caisse et mets ton doigt entre mes pieds. Aussitôt moi je m'exécute comme elle me l'avait demandé. Et voyez-vous, cette sacrée puce est arrivée à me faire banquer. Position sexuelle. Pour simplifier, distinguons six catégories. La femme est étendue sur le dos et l'homme est allongé sur elle. L'homme est allongé, étendu sur le dos, la femme est allongée ou assise sur lui. 3. L'homme est allongé sur le dos de la femme. 4. L'homme et la femme sont assis. 5. L'homme et la femme sont debout, haute position. Et ensuite, évidemment, on demandait, avez-vous déjà adopté la position 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ? Ainsi étaient posées les questions qui ont abouti à la rédaction du rapport Simon qui paraît en 1972, la première grande enquête sur la sexualité menée en France par votre père et ses collaborateurs, Perrine Simon. Naoum, quand même quelque chose sur le corps du rapport, non ? Sur les chiffres, non ? Vous n'allez pas rougir. Non, non, absolument pas. La moyenne d'âge des premiers rapports, 19-21 ans. Il paraît que ça n'a pas beaucoup changé depuis 1900. Je ne sais pas comment on mesure les dates des premiers rapports pour les contemporains de 1900. Chez les 20-29 ans, 11% des premiers rapports en automobile. Ça, c'est étonnant, non ? Et puis alors, sont étudiés ensuite les rapports et leur régularité dans le couple. Dans la chambre, Perrine Simon-Naoum ? Ben si, 80% dans la chambre, mais vous n'avez pas relu le rapport sur le comportement sexuel. Ah non, non, non, je ne l'ai pas relu avant de venir. Non. Des Français, et généralement dans le noir. 10% des Françaises avouent avoir trompé leur mari. 30% des Français avouent avoir trompé leur femme. C'est quand même pas du déclaratif, ce sont des entretiens. Et quand il n'y a pas des questionnaires oraux, il y a des questionnaires écrits, dont on met les réponses dans une urne scellée. Enfin, c'est pas de la comptabilité, c'est une étude des comportements. Oui, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut percevoir toute la différence qu'il y a avec le rapport Kinsey dont vous avez parlé hier, qui est en fait un rapport fait par un zoologiste, c'est-à-dire qui classe en catégories. Le rapport Simon avait une volonté politique affirmée dès le départ, et l'idée c'était de mettre en rapport l'attitude sexuelle et les comportements sexuels en montrant qu'on passait de l'une à l'autre par le biais de l'information et de la formation. Donc vous aviez au départ une forme qui serait peut-être un triangle avec donc au sommet formation et information, à gauche attitude, à droite comportement, et l'idée était d'arriver à une ligne droite, c'est-à-dire en informant les gens et en les formant, arriver à faire se rejoindre l'attitude et les comportements, à faire comprendre aux gens finalement que la sexualité était un élément de morale, et à leur donner, par ce biais qui était un biais parfaitement scientifique, les critères nécessaires pour décider en toute liberté de la sexualité qu'ils voulaient mener. Ils prônaient en bon franc-maçon l'honnêteté et la franchise. Ça, je n'en suis pas sûre, parce qu'il ne s'agissait pas, je dirais, de valeur morale, il s'agissait d'attitude morale. L'attitude morale, c'est vous transporte sur un plan qui est un plan spirituel et, je dirais, plus général. C'est-à-dire, quelle est l'humanité à laquelle vous voulez appartenir ? Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez prononcé le mot d'adulte. Effectivement, ce que voulait mon père, c'était faire parvenir la société française à maturité. Alors, il était malin parce que il a été un des inventeurs des sociostyles. À cette époque a commencé à avoir du succès le centre de communication avancée qu'animait, notamment pour le Nouvel Observateur, Bernard Catla, un sociologue très médiatique, avec des cheveux blancs très longs, des outils hippies sur la poitrine. Et votre père, le docteur Simon, il est un peu quand même, enfin, sous une allure plus respectable, avec un nœud papillon, un peu dans cette façon de parler. Dans la typologie des attitudes, pour les hommes, on a distingué les censeurs puritains, les détachés bienveillants, les dévots conjugaux, les tolérants réservés, les libéraux modérés, les curieux disponibles, les idéalistes du couple. Dans la typologie des comportements, pour les hommes, on distinguait les vierges, les muets, les anciens. Les actifs classiques, les imaginatifs tempérés, les fidèles heureux, les égoïstes expérimentés, les jouisseurs satisfaits. Bon, pour les femmes, on avait, ça vous amuse que je lise ça, les censeurs réalistes, les pudiques à principe, les indifférentes. Les puritaines, les épouses éclairées, les narcisses jeunes, les sensuelles. Et au niveau des comportements, les vierges, les muettes, les anciennes, les femmes de devoir, les tempérées, les actives, les orgastiques. Alors, il avait inventé tous ces emboîtements parce qu'il pensait que ça allait amuser ses interlocuteurs, et les journalistes notamment. D'abord, mon père était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Donc, effectivement, il est possible qu'il ait pensé que ça amuse ses interlocuteurs. Ensuite, il avait beaucoup de culture et une femme poète, donc il est possible qu'il ait voulu aussi faire de la poésie. Non, plus, je pense que beaucoup plus sérieusement, c'était aussi une manière de mettre les choses en mots. C'est-à-dire que il me semble qu'il faut faire un effort d'imagination pour nous contemporains, essayer de nous projeter dans ce que c'était cette France des années 1960, qui était vraiment une société bloquée, comme le disait Michel Crozier, qui était une France patriarcale, je veux dire, où vous ne pouviez pas parler des choses. Donc c'était très difficile, il fallait non seulement faire venir les choses à maturité, mais je dirais qu'en même temps, il fallait leur inventer un langage. Et c'est ça qu'a fait le rapport Simon. Et ça, c'était quelque chose de très compliqué et très révolutionnaire. Parce que c'est pas un rapport tellement scolaire. Il y a des tableaux, bien sûr, mais c'est écrit de bout en bout, avec même des formules, oui, des appels au lecteur. Et ça commence par une interpellation de Nietzsche. Donc c'est vraiment un geste philosophique, et il n'y en a jamais eu depuis. Et en 1973, souvenez-vous, Perrine Simon-Naoum, vous étiez toute petite, mais le docteur Carpentier, juste après la publication du rapport Simon, rédige lui un texte à l'usage des lycéens, il le fait avec des élèves d'un lycée de Corbeil, « Apprenons à faire l'amour ». Et alors lui, c'est complètement scolaire, son texte. Un, l'homme possède un organe fait de tissu érectile. Deux, la femme possède un organe beaucoup plus petit mais équivalent, etc. Et puis après, vous aviez la description de l'acte sexuel avec une courbe. Excitation, orgasme, relaxation. Et pour illustrer ce que vous dites de la difficulté de parler de la chose, le docteur Carpentier a été radié de l'ordre des médecins à la suite de la publication de ce tract sur Ronéo. Je crois que le grand apport du rapport Simon, c'est aussi un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est le mot éthique. Mon père est l'un des premiers qui ait mis l'éthique au centre à la fois la découverte scientifique, mais aussi de l'interrogation politique. Et il a montré comment, finalement, la sexualité est un domaine, non seulement économique, moral, politique, mais avant tout un domaine éthique, c'est-à-dire un domaine où nous apprenons à composer les uns avec les autres, c'est-à-dire où, en même temps, nous forgeons notre personnalité, à travers des découvertes, à travers des expériences, à travers des aventures, à travers des fidélités, mais aussi où nous nous inscrivons dans une chaîne qui est la chaîne de l'humanité. Et il avait toujours, vous avez passé tout à l'heure cet extrait où il commentait la position de l'Église, il avait lui-même inscrit quand même au sein du judaïsme et de la maçonnerie cette idée de la transmission. mais d'une transmission qui était une transmission non pas transcendante, mais une transmission spirituelle. C'est-à-dire que il y a un terme qui revient beaucoup à l'époque, ça m'a frappé, c'est le terme de bonheur. Il y a un terme qui revient aussi sous sa plume, c'est le terme d'écologie. En 1972, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de l'écologie, je dirais autrement que d'une façon politique, puisque René Dumont s'était présenté au présidentiel de 74 sous cette étiquette, ou de Deep Ecology, comme on le faisait, mais d'un point de vue cosmogonique, d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire que le comportement d'un individu s'inscrit dans une chaîne pour le bien-être de l'humanité. Vous permettez que je vous fasse descendre de cette ligne de crête, parce qu'en matière politique, il était aussi un excellent tacticien. Voici la dernière intervention qu'on va entendre de votre père. Tous ceux qui s'opposent à notre société, tous ceux qui ont créé cette espèce de contre-culture, eh bien, se sont assis justement sur ce qui peut être des minorités ou des singularités, et en particulier sur le sexe, comme d'autres sur la couleur de la peau, ou d'autres sur les origines ethniques. Et c'est pour ça qu'on voit des minorités sexuelles qui, aujourd'hui, servent de courant politique et servent à saper une société. Alors, quelles sont les possibilités qui nous sont offertes? Je ne veux pas dire si l'on y prend garde, mais si l'on n'intègre pas la sexualité au courant de notre propre société, eh bien, on va assister à un système de sape, et on va voir des défilés du type de ceux qu'on a vus, dans lesquels, soit les mouvements de libération de la femme, soit, comme on l'a vu au mois de mai dernier, le front révolutionnaire des homosexuels défilé avec les gauchistes au mois de mai, et l'on va voir, s'appuyant sur la sexualité, tout un système qui va tenter d'appuyer sa contre-culture, et puis son opposition à la société. Donc l'intégration des questions sexuelles, c'est ce qui permet de maintenir le cap, pour lui, l'amélioration de la société existante, et le maintien de la suprématie de l'idéologie dominante. Excusez-moi d'employer des termes aussi tranchés. Il a écrit quelque part que, faute d'une politique de la sexualité, c'est la sexualité qui fait la politique. Je vous laisse commenter sur les derniers événements français. Oui, mais moi j'aimerais quand même que vous nous disiez un mot du rapport qu'il a pu avoir avec le FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui naît en 69, dont il vient de parler, ou bien avec les féministes. Alors là, il faudrait plusieurs émissions, mais je vais essayer de faire court. Avec l'un et l'autre, je crois qu'il a beaucoup servi leur cause, tant que leur cause n'était pas récupérée par une idéologie. En particulier une idéologie d'extrême-gauche, une idéologie marxiste. Encore une fois, c'est quelqu'un qui avait vécu la guerre, c'est quelqu'un qui a vécu l'affrontement avec le Parti communiste et qui ne s'est jamais laissé enrôler dans des idéologies, qui a toujours pensé que ce qui devait prévaloir, c'était la liberté. Avec les féministes, alors là, l'histoire serait très longue, elle est très paradoxale, et je dirais d'une certaine façon, elle est assez triste et elle nous renseigne beaucoup sur notre société aujourd'hui, sur la manière dont notre société fonctionne de façon antagoniste. Car les féministes aujourd'hui ont oublié ce qu'ont fait les hommes pour l'émancipation des femmes dans les années 1950-1960. Les féministes, je pense au dernier livre de Daniel Voldman et Daniel Tvievorka sur les époux Bach, m'expliquant que mon père était arrivé beaucoup plus tard dans le planning familial, ont oublié qu'il y a des hommes, encore une fois, qui ont risqué leur peau pour émanciper les femmes. Et donc, les féministes ont complètement édulcoré, elles ont laissé la loi Neuwirth, parce que elle, je veux dire le personnage de Neuwirth, parce que la loi porte son nom. La loi sur la contraception de décembre 1967. Mais elles ont complètement gommé ce qui avait été la grandeur de ce combat, c'est-à-dire un combat dans lequel les hommes et les femmes se retrouvaient par-delà la différence des sexes. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, d'une part, et je vous en sais grâce, on leur rende un peu du courage qui a été le leur, et j'aimerais bien que, d'une certaine façon, on revienne sur un certain nombre de régressions qui sont des régressions historiques, des régressions philosophiques sur ce thème. Les archives du docteur Simon, par ses soins, sont en partie aux archives du féminisme, néanmoins, à Angers, et puis en partie à Sciences Po. Et puis, je vous signale le livre d'Emmanuel Pierrat, publié chez Don Quichotte, est consacré à Pierre Simon. Chez vous, Fabrice Drouel. Une question lourde. Qui a ordonné le bombardement du camp français de Boaké le 6 novembre 2004, un bombardement qui a fait 10 morts et 33 blessés, le plus grave depuis l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983? Et bien sûr, on n'a pas la réponse à cette question précise encore. Il est 15h, Henri Bérec, Étienne Bertin aux manettes, Franck Olivard, Martin Pennet pour la préparation. Vous écoutez France Inter.